Aujourd'hui, le lundi 27 mai 2019. Oh, monte le volume et hume la différence que c'est pas toi qui quitte. Non, c'est pas grave. Monsieur. Bon, je tiens à vous dire au tout début de l'émission que je suis très grippé. Bon, normalement, on ne dit pas ça à la radio parce que, bon, le public va s'affoler. J'ai dit s'affoler. Risque d'avoir peur, craindre le pire, changer de chaîne, ou au contraire, rester à l'écoute parce qu'ils se disent, ces gens aussi prêts à des écoutes sonores explosive que si le mec souffre, souffrir est quand même exagéré, j'ai pas le cancer, j'ai pas... Non, tout va bien, j'ai simplement une grippe ou un rhume. Je n'ai jamais su comment analyser le tout. Si vous le savez, ben vous pouvez m'écrire, je vous dirai mon courriel dans les heures, dans les jours, dans les semaines. L'émission dure uniquement... Rénal, je sais que tu vas pas très bien. On a voulu annuler l'émission, mais t'as jamais voulu... Jamais. Je suis un professionnel. Oui, mais je sais très bien que tu es un professionnel. C'est moi, Guylaine Dufour. Guylaine Dufour. Oui, celle qui chevauche depuis des années un peu ton cursus. Que qui? Ton cursus. Oh, mon cursus. Oui. Pourquoi tu me reprends? Rien, non, mais c'est la fièvre. Ben, c'est cela. J'ai dit t'es fiévreux, reste couché, mon petit champion. Les gens s'attendent à quelque chose de très fort pour toi, là. Ils risquent d'être déçus. Ben non, voyons donc. Là, on fait des émissions comme ça pour parler, pour discuter, pour avoir du plaisir, pour rencontrer des amis. Ce soir, ben, on changera pas la donne. On changera pas la recette. Ah oui! Est-ce que c'est la recette finale? Ben, j'espère que non, là. On verra. Tout peut être une finalité, là, en soi, là. La journée, c'est la mort de quelque chose qui ne reviendra plus. Et la vie aussi, mais oh, on est-tu prêt à parler de ça? C'est philosophique, là. Ouais, mais philosophie, elle rend sénadienne. Oh, OK, mais mets le générique, là, puis on verra. Puis, je vais essayer de suivre le tempo, mais... Tellement occupé. Arrête de te plaindre. Je me plains pas. J'avertis le public. Tu sais, ça, c'est la petite mouche, tu sais, veut dire. Quand tu te fais piqué par la tétée veut dire, tu veux plus qu'elle revienne. Fait que là, tu dis, vas-y, ah ouais, mort, prends ta place, là, prends le bras. Fait que si t'es en manche longue, tu vas retirer le tissu pour qu'elle puisse choisir. Bon. Parce que si elle choisit pas, elle partira jamais. Puis quand elle va te piquer, ben, elle va mourir. Dans les minutes qui suivent. C'est dur, une vie de tétée veut dire. Hein? T'sais, on rit comme ça dans les bars, là, devant une grosse bière, puis on dit, hey, tétée veut dire. Là, maintenant, là, il va falloir oublier de dire ça comme ça. Il faut avoir un respect pour la tétée veut dire. Parce que cette mouche-là, c'est une mouche qui pique, ben oui. Comme il y a des mouches à feu, il y a des mouches qui s'envolent, puis il y a des mouches qui mouchardent. En tout cas, il y a plein de sortes de mouches. Mais tu sais ce que ça veut dire? Ça demande un respect. Comme il y a des insectes. Et puis moi, je suis prêt à dire ce soir qu'il y a des genres humains qui ne doivent pas atteindre cette noblesse de la tétée veut dire. Fait que, tétée veut dire, J'ai rien compris. Ben non, ben c'est pas grave. Aujourd'hui, le lundi... Attends. Sais-tu pourquoi? Je me souviens plus. OK, ouais, oui, ben je me souviens. Je me souviens du don du... Non, OK. Ça va bien aller. Prenez une grande respiration, un verre d'eau, pas de glace. Puis je vous conseille, là, deux larmes de miel. Mais comme on est au Québec, mets du sirop d'érable à volonté. Bon! Aujourd'hui, le lundi 27 mai 2019, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki. Tu sais ce que ça veut dire? Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Alors, en attendant cette mouche précieuse, moi, normalement, je glisse sur la mouche. Hein, je dis mouche. J'aime bien moucharder. Moucharder, c'est vilain dans la langue française. Moucharder, c'est de connaître quelqu'un puis de connaître quelque chose aussi sur cette personne-là. Par exemple, je vais vous mettre en juste. C'est important de placer les situations. La langue française demande aussi des explications. Tu sais, quelqu'un qui moucharde, c'est quelqu'un qui est en train de placer. Placer, ouais, placer, c'est. Le terme est bien, placer. Mais là, aller plus loin, là, placer quoi? Là? Placer une situation et surtout un individu à ce, disons, dans son côté négatif. T'sais. Je vais le moucharder, là. Je vais lui. Hein, je vais dire ce qu'il a fait comme délit. Alors, c'est moucharder, c'est ça. Moucharder. Je suis très fatigué, là. Puis pas fatigué, je suis très grippé. Puis... Moi, je sais que... Mais il faut arrêter de se plaindre. Je vais vous expliquer pourquoi, avant la chanson. C'est important. Malgré tout, même si je suis à moitié mort ou rampant par terre, la langue à terre, si j'ai des choses à faire, je vais les faire. Hé, hé, yes, c'est compliqué, ça? Si j'ai des choses à faire, je vais les faire. Ah oui. Ah oui, j'annulerai rien, je dirai pas. Patron, je suis tellement malade que je peux pas rentrer travailler. Non, je vais rentrer. Puis si dans mon agenda, dans mon horaire, je dois faire errance rénaldienne, ben là, je dis pas. Allô? Allô? Ben, qui t'appelle pour ça? Hein? Je suis ma propre compagnie. Fait que là, tu dis allô, Rénal? Ouais! Tu sais, Rénal, je veux pas très bien. Non, je sais pas, moi, là. Ben, t'es qui? Ben, je suis Rénal. Oui, mais t'as pas la grippe? Ben oui, je l'ai. Fait que, on peut-tu peut-être remettre l'émission? Non, non, non, hey! Pourquoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Je te reconnais plus? Ben non, mais moi non plus, je me reconnais plus. Je suis très... Arrête! Prends tes jambes à ton cou. Ouais, mais là, j'ai déjà fait ça. Et puis, hey, je me suis fait mal. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais, quand tu dis ça, là, prendre des jambes à ton cou, c'est bien beau l'expression. Moi, j'aime ça. Il y a bien des expressions comme ça. Mais quand tu les mets en service, là, quand tu les exploites, monsieur, il peut se passer des affaires, là. Des affaires qui... qui peuvent nous rendre quand même Obama left upon the fascists. Yeah, the several federal men were pulled skeets off the tree and put it to an end. You better beware, the retribution with mind war. 2020 visions and murals with metaphors. Networks at work, keeping people calm. You know they murdered X, they tried to blame it on Islam. We turned the power to the half-nots. Then came the shot. Ça fait que là, hey, on sent au mois de mai, là, on sent plus qu'au mois de mai, on se sent à la fin du mois de mai. La fin de quelque chose. Puis ça, c'est toujours, pour certaines personnes, là, toujours gage de sentimentalisme. Ou, comment puis-je exprimer cela autrement? Oui, c'est ça, de réflexion sur les jours, les années, les mois passés. On ne sait pas pourquoi. On dirait que le mois de mai, hein, c'est le début de quelque chose que l'on attend depuis longtemps, puisque l'hiver a été difficile, et cette année, croyez-moi... Madame Tremblay? Oui. C'est certain que j'ai beaucoup pelleté votre belle demeure, ben en fait, le devant de votre demeure. Et l'année prochaine, je vous demanderai, s'il vous plaît, de retirer vos trois poubelles. Parce que moi, là, c'est bien beau. Si les poubelles sont vides, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai aucun problème. Mais si vous remplissez ça, pas en croyez-vous que je suis capable, moi. Hein? Je fais ça pour plein de personnes que j'adore, qui sont plus capables de le faire. Je me suis dit, je suis encore capable. Même si dans toute ma vie, on m'a dit, t'es un incapable. C'est ça, hein? Quand on dit qu'on est il suffit de te le dire pendant toute ta vie, que pendant ton existence, tu te rebutes à ça et tu vas vers le fait que tu n'es pas ce qu'on t'a dit. Et ça fait du bien, hein? Mais ça n'a rien changé. Mais non, ça n'a rien changé. Vos poubelles, enlevez-les. Mettez-en pas. Je suis pas là pour... Je suis pas un vidangeur. Moi, là, j'ai un grand respect pour les vidangeurs. J'en ai acheté 4, moi, pour... Ouais, j'ai un aquarium. Il n'y a pas de poissons. Mais non, parce que des poissons, c'est, ça demande quand même une bonne réflexion, là, hein? Quelle sorte choisir, puis... de l'eau salée, de l'eau douce, de l'eau distillée. Mais j'ai jamais vu une... Hey, ça serait bien de placer des poissons dans des eaux distillées. Là, vous allez vous dire, hey, c'est de la cruauté animale. Vous savez, ben, en même temps, je sais pas, c'est de l'eau distillée pour un poisson. Non, c'est pas très bon, non, hein? C'est certain que... Ben oui. Ah, ben voyons donc. Puis... Puis c'est tout vers le dos. Bon, il s'endorme tranquillement. C'est comme ça, hein? Est-ce que tu te rappelles? Théodore Gautier, le grand poète Théodore Gautier, qui a dit que la vie fluse par les influxes les plus dramatiques et que je revienne à travers les essences les moins douces. Tu connais pas ça, ce texte-là? Ça n'a jamais été publié non plus, là. C'est dans l'Almanach du peuple, 1967. Page 663. Puis, mon beau-frère avait caché là-dessus un 20$. Mais un 20$ qu'il avait... Ben, en tout cas, je ne veux pas non plus dire qu'il avait volé, là. Bon, il avait gagné. Mais c'était pas très compliqué pour lui, là. On lui avait demandé... Mon grand... Flanel. Oui, Flanel. Mais c'est son surnom, Flanel. On n'a pas le choix de notre prénom. On a le choix de notre nom? Ben non, on n'a jamais le choix de rien, là. Mais, attendez un peu, là. On a le choix de notre nom, de notre prénom, lorsqu'on est adulte. On peut le modifier. Bon. Moi, c'est Rénal Gagné, malheureusement pour vous. Ben oui. Et un peu quoi? Ben, en tout cas, pas tout à fait là, dans le son que vous entendez normalement. Mais ça fait des bonnes émissions! Ben, je sais, ben, je sais, ben, je sais bien. C'est ça qui me chagrine. Je vais me réécouter. Je vais dire, hey, quelle voix radiophonique, ce gars-là. Il aurait pu. Il aurait pu quoi? Ben, il aurait pu s'arrêter avant. Arrêter avant quoi? Ben, avant de se réécouter et de se dire qu'il aurait pu. C'est comme la chanson de Richard, là. J'aurais dû bien du tondu, fermer ma grand gueule. Mais là, lui, c'est pas sa. Ben, quoi que sa grand gueule est tellement grande, tout ça. In my heart. Ben, c'est certain que si tu viens à 2h30 du matin, je serais peut-être pas là pour t'écouter. Non, pas parce que je suis pas disponible. Mais c'est parce que tu vas me réveiller, puis je serais pas du bon pied, puis... Comment? Oh, la chanson! Ah! La chanson est terminée! Hey, c'était la reine. C'était la reine du Drag Queen. Ben, y'en donc! Drag Queen, le groupe Queen. Ben, je sais, Freddie. Je veux pas dire que Freddie Mercury est un drag queen. Je veux simplement dire que c'était le groupe Queen. Voyons donc. Ah, ça semblait voulu. Ah, mon Dieu Seigneur. Hein? Ça, là, on peut parler d'un problème de langage, ou non, peut-être pas, mais non, un problème de compréhension, voilà, de compréhension. J'ai voulu dire quelque chose, et l'autre n'a pas compris ce que j'ai voulu dire. C'est comme ça que les conflits commencent. C'est comme ça aussi que la guerre existe. C'est fou, là. Des fois, c'est une virgule mal placée, un point qui n'a pas été finalisé, une exclamation jamais placée au bon moment. Puis là, il y a des continents, il y a des pays, il y a une terre qui est sous la sellette, puis qui peut exploser en tout temps. Ah, voyons donc, tu écoutes trop d'émissions de documentaires, là, faux documentaires. Moi, je peux même pas... Non, attends, c'est pas un documentaire, c'est des faux documentaires qui vont te donner la chienne. Bon, la chienne, c'est bien beau, là, ça dépend laquelle. Mais quand t'as la peur, là, on peut te diriger n'importe où. Fait que pour eux autres, là, l'intérêt, c'est de décrire quelque chose de plausible. Hein? Pas d'extravagant, là. De plausible. De le travailler un peu à leur manière pour te créer une petite peur. Pas une grosse, tu sais. Hein? Mon yondon! Mon beau-père vient de mourir! Il était millionnaire! Non, pas celle-là, non. C'est pas celle-là, là. Non. C'est exemple, là. Mais tu m'as pas dit ça de même, toi, hier? Ben, écoute, je suis quand même un peu attristé, là. J'en mets pas de piment fort dans ma sauce à spaghetti. C'est pas moi qui t'a donné cette allergie-là. Puis là, ta blonde a dit, ben non. Je disais pas que t'avais trop mis de... J'ai pas dit que t'avais trop mis d'aliments qui m'ont donné quelques éruptions. Mais tu sais, il faut que je fasse attention à ma santé. Ben oui, mais mon chaton, mon trésor. Ma douce aimée. Hey, là, t'en mets. Fait, faut que t'en mettes, là. Faut que tu trouves des ritournelles. Si vous en avez pas assez dans votre vocabulaire, écrivez-moi. À Rénal Québec, à commercialotmail.com. Je compte les enfants accrochés dans les branches. Je dis bonjour aux gens. Les gens me disent bonjour. Ils sont polis, les gens. Et je secoue ma tête pour mieux me rappeler. Puis je m'arrête au passage clouté. Et je serre mes dents pour mieux me rappeler comment j'étais avant, comment j'étais avant, comment j'étais avant, avant, avant. Moi j'étais millionnaire, je crois les gens se battaient pour me voir. Et nous parlions d'Apollinaire, tout bas comme font les gens qui ont du savoir. Et puis c'était facile, on m'appelait même Monsieur des Fois. J'étais pas imbécile, j'étais heureux. Moi j'étais le magnifique, le beau, l'exubérant. J'étais toujours très chic. J'étais pas comme maintenant. Maintenant moi, je baffe sur mes chaussures. sur d'énormes tambours. C'est bien, y'en a partout, le long de mon faubourg. Et les gens me sourient, et je souris aux gens, ils sont bizarres les gens. Et je m'en rappelle plus, mais le monde a changé. Moi, j'étais pas comme ça avant. Avant que... Moi j'étais mousquetaire, j'avais des femmes à tous les bras. Et nous faisions l'amour par terre comme ça, comme les amants au cinéma. Et puis c'était gentil, elle me caressait les cheveux. J'étais pas imbécile, j'étais heureux. Moi j'étais l'enfant terrible, le prince et le charmant. J'étais un homme habile. Maintenant moi, je bave sur mes chaussures. Parce que les gens qui sont chez moi, ils aiment pas quand je suis en retard. Et moi, je les aime pas ces gens. Et alors qu'est-ce qu'ils font chez moi? Toujours à me dire comme ça. Ah ben il faut manger monsieur, alors que t'es chauffeur. Moi, j'habitais pas là avant. Avant. Moi, fonctionnaire de table, des enfants, et puis de la grammaire, c'est ça, et le petit Jonathan, et moi je suis pas tranquille. Je contrôle plus mon bras. Les enfants sont terribles. Ils écoutent pas. On n'a rien compris. Hey, non, mais là, je pense qu'il est dépassé un peu. Là. Il fait de la fièvre. Là. T'es à combien? Mais là, j'étais à combien? J'étais au 89.1. Ouais, mais là, 89.1, c'est quoi? C'est toute tension artérielle. T'as bien l'air d'un artériel, toi. Tu sais pas c'est quoi? On est au summum de notre santé. Voyons donc. On écoute juste de la bonne musique, juste des bonnes émissions, juste des bonnes chroniques, juste des invités à la hauteur de notre capacité intellectuelle. Mais là, qu'est-ce que tu veux dire là? Je comprends pas. C'est quoi RL? Oh, il fait de la publicité pour sa radio! Ben là, pas sûr. De un, c'est pas ma radio. C'est la radio du peuple. Des gens qui l'écoutent. Donc, oui. Oui, en même temps, oui. Oui, je viens. Ah oui. En même, ça vient d'éclairer mon cursus cérébral. Ça m'arrive. Donc, c'est KRL, ben c'est la radio à notre hauteur. Donc, hé, monsieur, c'est haut, c'est haut, hand-me-down dress from who knows where. To all tomorrow's parties, and where will she go? What shall she do when midnight comes around? She turned once more to Sunday's clown and cried behind the door. chrysanthème, en chrysanthème. Nos amitiés sont en partance de chrysanthème, en chrysanthème. La mort à potence à nos dulcinées de chrysanthème, en chrysanthème. Les autres fleurs foncent-elles peur de chrysanthème, en chrysanthème. Les hommes pleurent, les femmes pleurent. J'arrive. Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois traîner mes os jusqu'au soleil, jusqu'à l'été, jusqu'au printemps, jusqu'à demain. J'arrive. Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois voir chez le fleuve est encore fleuve, voir chez le port est encore port. Un corps qui tremble et tombée morte, brûlée d'amour. Le cœur en chambre. J'arrive. pas toi qui en avance. C'est déjà moi. Qui short, hein? Mais j'arrive. Bien sûr, j'arrive. N'ai-je jamais rien fait d'autre qu'arriver? Aujourd'hui, le 27 mai, hey, excusez-moi, je suis très grippé, mais merci à Juliette Gréco de m'avoir sauvé la vie! On devrait... Non, mais hey, une grippe de garçon puis une grippe de fille, la différence, hein? Vous voyez la différence? Nous, la souffrance, on la connaît. Les filles s'attrapent. Ah, oh, ça va pas travailler, hein? Ça prend des... Ça se retire, ça se mêle plus à la société. Nous, hein, on est des anciens bûcherons. On a appris à rouler sa pitoune. On l'a appris à travailler dur. Bon. Alors, merci à Juliette Gréco de m'avoir remplacé pendant quelques minutes avec une chanson exceptionnelle de Jacques Brel. J'arrive. Mais là aussi, j'arrive à vous annoncer mon invité pour une deuxième rencontre. La semaine dernière, c'était le début, aujourd'hui c'est la fin, mais je l'ai aussi rencontrée il y a quelques années, donc c'est avec grand plaisir que je la retrouve à chaque fois. Alors aujourd'hui, on va le dire, on va accoucher, madame, là, faites-vous-en pas. Ah non, ça devrait bien aller. Oui, parce que, exactement. Aujourd'hui, le 27 mai 2019, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Y en a-t-il assez de manque de direction dans des entreprises de broche à foin? Y en a... Hein? Y en a? Y en a trop. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement, ce beau 27, dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon amie, la très sympathique, très séduisante, très intelligente, Adrienne Poli. Adrienne Poli va vous raconter un peu son cursus et donc c'est la suite de la fuite de la semaine dernière. Bonne émission. C'est parti. C'est moi la fille aux prises uniques. Je fais la caisse automatique. Et tandis que j'encaisse tout ce blé, je pense à mon vernis écaillé. Je pense à mes bas qui sont usés, comme ma vie qui est triste à pleurer. Mon truc c'était contact humain, dire des points de vue, serrer des mains. C'est toujours la même musique sur mon piano afrique. Avec mes doigts mécaniques, j'enregistre. En attendant, j'encaisse ce fou, ce que j'encaisse, j'encaisse tout. C'est passionnant à la vie des autres qui passent devant. Mais des fois ça me fait mal à l'œil, toutes ces promos qui me font de l'œil. Comme si c'était ça mon bonheur, comme si il me faisait une fleur. Ma vie, si je pouvais me la payer, la caisse, je l'aurais forcé, ouais. Sous mon ciel en néon pourri, ça me fout le tournis, toutes ces cartes qui s'arrêtent. s'agite sous mon nez. Et moi je l'ai, en rattrape jamais. Tous ces trucs que j'ai pas choisis, rendez-moi la monnaie merci. Sous mon ciel en néon pourri, ça me fout le tournis. En attendant, j'encaisse, c'est fou ce que j'encaisse. J'encaisse tout dans le vent, c'est passionnant. À une vie où je serai dedans, un jour c'est sûr, je leur montrerai. La tête haute, je me lèverai, et sans dire bye bye, sans regret, je partirai, ah oui je partirai. Ma vie, je vais me la payer. Un jour, c'est sûr, j'en finirai, ouais j'en finirai. Blanc, placez-moi devant. Un jour c'est sûr, je leur montrerai les pieds devant. Je partirai, mais après là, esprit unique dans ma caisse, ma boule direction. J'encaisse pas, c'est passionnant. Et ce serait chic de serrer la main au vieil pic. Dans ma belle caisse, j'y reviendrai. C'est passionnant, rendez-moi la monnaie. Devant ma caisse, fini de payer. C'est moi le fantôme de supermarché. C'est passionnant, c'est passionnant. C'est passionnant, vraiment c'est passionnant. Vraiment c'est passionnant. Non, non, non, non, non, non. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Puis ça fait pas très rock'n'roll. Ouais. Je sais pas ce que ça fait, c'est à moitié con. Comme blague. Peut-être. Plus roll que rock. Ouais. Est-ce que si tu étais une saison? Moi j'aime bien. J'aime bien plein de saisons en fait. En fait ce que j'aime c'est la variété. Alors oui, je peux beaucoup aimer septembre, la rentrée. J'aime l'automne, l'hiver, l'été. Toutes les saisons. Bah, j'aime tout en fait, et le printemps. Bah, chacun a son charme. Ouais. Si tu étais un membre corporel. Un cerveau. Un cerveau, le tien? Ouais, remarque, un cerveau sans corps, ça doit être l'enfer, quelle horreur. Ben, en fait, ça me dégoûte un peu de découper les choses. Oui, ouais. Mais je vois ce film. Johnny Guitar. Ouais, c'est un peu horrible. Hein. Ouais. Ah oui, mais la chanson est sublime. Bon, je préfère pas avoir de cerveau si j'ai droit qu'à un, okay, qu'un, ouais, élément. Okay, pas de cerveau, okay. Un chou comme Gainsbourg, là, ma tête de chou. Ouais. Je sais pas, du coup. Si tu étais à un moment de la journée. Le matin, très tôt. Ou début du soir. Ça, c'est le matin très tôt, c'est lorsque tu te couches. Ou l'aurore. Non. Parce que je peux me lever très tôt. OK. Et l'aurore, parce que là, la journée est terminée ou le spectacle va commencer. Oui, j'aime bien les entre-deux, mais j'aime bien le début de la journée. Hein, Es-tu une traqueuse? Une traqueuse? Oui. À fond. Ah oui? Et comment ça se manifeste? D'accord. Par une crise d'angoisse. C'est bon. La parano où tu te sens nul. Au revoir, messieurs, à la prochaine. Le sentiment de se demander qu'est-ce que tu fais, que tu te trouves nul. Et que t'as rien à faire là, que c'est bizarre. Mais c'est quoi? C'est quelques minutes avant, une heure? Ça peut durer toute la journée des fois. Et mais une fois que tu es sur scène, c'est fini, genre. Hein? Une fois que tu es sur scène, c'est terminé. Oui, enfin il y a des fois où ça se passe pas très bien. Hein. Okay, ça se passe pas tout temps. Mais non, mais généralement, c'est libérateur. Okay. Généralement, ouais. Généralement, c'est agréable quand. Lorsque tu fais des spectacles le soir, donc la poursuite, hein, l'éclairage, est-ce que tu demandes à l'éclairagiste de voir le public ou au contraire de ne pas le voir? Non, j'y pense pas à ça. Okay. Je pense à l'éclairage qu'il y aura sur scène. Ok, ce que le public va voir de moi? Oui. Est-ce que tu sais déjà l'image que tu veux offrir? Tu sais que c'est pas si vieux le truc de la scène, de la salle plongée dans le noir. C'est arrivé avec Damia, ouais, la chanteuse, oui, ben oui, qui a donné l'idée de ça. Et elle a eu la robe noire aussi. Et que la salle, tout d'un coup, on l'a plongée dans le noir. mais c'est Sacha Guitry qui a eu l'idée. Du noir. Alors, c'est lui qui a eu l'idée de la petite robe noire pour elle. Il lui a dit arrêtez avec vos fanfreluches et vos plumes et tout ça, et toutes les couleurs. Si vous étiez juste Madame Damien, qu'avec une robe noire, on entendrait mieux vos chansons. Donc ça, c'est l'idée de Sacha Guitry. Après, la salle plongée dans le noir, du coup, peut-être suite à ça, elle a eu l'idée de se faire un écran de la salle. Ouais, et dans la scène, ça devenait très neutre, où il n'y a plus rien. Et on plonge les gens dans le noir. Ça, c'est elle. Ah, c'est elle qui a inventé le style. Avant, c'était des spectacles de cabaret. Oh oui. Il y avait plusieurs trucs qui s'enchaînaient, un clown, une chanteuse, machin, un sketch. Et elle a fait tout un. Il n'y avait que elle, les gens dans le noir. Et elle se faisait comme un écran. Ah, c'est bon. C'est excellent, cette histoire de la genèse. Tu l'as lu ou. Ah oui. Enfin, c'est sûr. Hein. Ah oui, non, je te fais comme. Enfin, je crois que c'est sûr. Ah oui, voyons. En tout cas, l'histoire est belle, mais c'est vrai. C'est des morts qu'on racontait ça. Oui, ouais, c'est ça, c'est dur. Mais... je ne pourrais pas avec mon micro d'aller rencontrer. Si tu étais un autre individu. Un quoi? Si tu étais un autre individu. Quelqu'un de plus apaisé. Ah oui, plus zen. Ouais, quelqu'un de plus cool. Est-ce que tu essayes de devenir plus cool? Ouais. Ouais, j'essaye. Avec l'âge, est-ce que tu y parviens un peu? Je pense que d'une certaine manière, ouais. Et de plus méthodique aussi, avec plus de méthode. Ok, ouais. Moins disparate. Voilà. Plus rassemblé. Voilà. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Et de plus rigoureux. Pardon, rigoureuse, ok. Ok. Ne pas t'éparpiller. Moins par éclat. Oui. Plus concentré. Voilà. Mais je vais y arriver en même temps. Ah, ben écoute, on a une vie pour s'améliorer. C'est donc une histoire de concentration. Oui, on a une vie pour tout remettre ça sur le... C'est ça qui est bien. Oui, mais on ne sait pas la durée de notre vie. Donc c'est pour ça, rendre c'est le jardin propre à la fin. Oui, à la fin, oui. Oui, pour bien ranger. Oui, exactement. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? La même quoi? Le même chemin. La même chose ou... Chemin. Le même chemin. Bah, certainement non. J'ai fait plein de conneries, mais en même temps, je ne sais pas... En fait, je suis mieux, peut-être. Ça te construit? Peut-être, fallait que je le fasse comme ça. Ben oui. Ouais, donc peut-être fallait que je fasse comme ça. Comme forcément, on apprend d'erreurs qu'on a faites. Ben oui, alors, quand tu te retournes en arrière, tu dis, bah oui, bah là, j'aurais dû mieux faire ça que ça, tu vois. Mais bon, je ferais le même chemin. Je sais pas quoi te dire à ça. Non, mais c'est oui. Le chemin, il est devant maintenant. Oui, ben oui, effectivement, c'est devant. C'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant, tu vois. C'est oui. Et les projets, c'est le disque à venir, c'est les spectacles. Ouais, ouais. C'est... Et là, il y a combien de spectacles de programmés? Là, je vais avoir une dizaine de trucs à la rentrée. Puis je pense que ça va, normalement, ça devrait continuer, tu vois, comme ça. Moi, je suis directement avec le troisième album, voilà. Puis après ça, tout ouais. L'autre. C'est bien. Ah, puis le cinéma, c'est vrai, le cinéma, qu'est-ce qui se passe avec ça? Je vais rencontrer une dame là. Oh, avant ton voyage, c'est ça l'histoire? Ouais. Okay. Une dame qui est. Enfin, une agent. C'est pas les agents qui font, qui font forcément ta carrière, mais au moins ils sont au courant des projets. Oui, c'est bon. Donc je vais rencontrer une dame que j'ai rencontrée à un festival de Cabourg. Où ils m'ont invité à chanter. C'est un petit festival familial, comme ils l'appellent, mais hyper sympa. Et alors là, il y avait une dame qui est agent, avec qui je me suis bien entendue. Alors peut-être que. Peut-être qu'on travaillera. Je vais la voir. Tu veux juste lui parler de tes affinités, de qu'est-ce que tu recherches. Je crois qu'on a en tout cas un truc en commun. Elle adore les chansons. Elle a chanté pendant 4 jours. Elle connaît tous les vieux trucs. Tu vois, elle a 70 ans. Ah, de Damiop, toutes ces. Elle a 70 ans. Plein de trucs. Elle adore les chansons et chanter. Et tu chantes avec? Ouais. Mais oui, ça devait être beau. Ça devait être incroyable. Bon, c'est bien entendu en tout cas. Et donc, ça c'est, y a plein de belles choses pour toi, si on compare à l'année dernière où tu voyais que Ah bah oui. Mais on voit aussi que tu es plus certaine, plus heureuse, tu as l'air plus... Oui, c'est en train de s'ouvrir. Hein. Mais tant mieux. Ouais, tant bah mieux. Ouais. Il y a un moment... Puis, as-tu un tourneur qui va t'amener peut-être au Québec? Hein? As-tu un tourneur? J'adorerais, putain. Ouais. J'en ai un tourneur, mais je sais pas s'il s'occupe trop de... Là, ils se sont pas occupés de ça. Sur mon album d'avant, non plus d'ailleurs, tu vois, cet album qui avait bien marché, le premier. Je suis partie juste l'île de la Réunion, mais je suis jamais, j'ai jamais fait vraiment de voyage avec Montréal, la musique Québec, en dehors de Paris. Ouais. De la ville de France, je veux dire. Okay. Je suis allée un peu en Belgique, un peu en Suisse, mais pas vraiment. Et une fois Mais j'adorais ça. Moi, je veux juste te dire une chose. C'est que quand j'ai mis sur Facebook que tu étais ma dernière invitée, parce que tu es ma dernière invitée, ouais. Je m'en vais demain. Il y a beaucoup de... Sais-tu que tu es aimée de beaucoup de professionnels? Ah oui? De professionnels de quoi? Ben, de professionnels des littéraires, des intellectuels. J'ai rencontré Franck Mas. Franck Mas est un dramaturge, un créateur. Il fait des créations littéraires. Il fait aussi des expositions. Je ne connais pas du tout. Non, je suis très underground, mais très obtus, ouais. Très cérébral. Et je l'ai rencontré avant toi. Et là, il me dit comme ça, comme beaucoup de personnes. Et c'est qui tu rencontres? Qui tu rencontres après? Là, je dis, Adrien Pauline. Là, il... oh, et je l'adore cette fille-là. Ah oui? J'ai dit ouais. J'ai dit c'est sympa. Comment ça? Parce que là, je voyais que c'était aux Antipodes. Le gars, elle adore la musique classique, elle adore le jazz. Et il dit oui parce qu'elle a une façon de bouger, une façon de s'affirmer sur scène qui est très peu commun. Et tu, est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de professionnels? Aussi Brad Scott. Ah, mais Brad, c'est marrant. Alors, Brad, c'est quelqu'un que j'avais rencontré, lui. Il était sympa, ce mec. C'est un contrebassiste. Oui, qui était contrebassiste. Là, il a perdu son permis. Ah ouais? Oui. Son permis de quoi? Ben là, il est plus intermittent. Ah oui? Oui. Il a du mal à trouver du boulot, là, en ce moment? Ben, il est assez disparate. Il n'est pas concentré sur ça. Oui, je le voyais hein, un peu. Ben, il était avec Arthur H. Oui. Ensuite, il a été avec Bachoul. Oui. Puis, il a été avec Yjouin. Après, il a sorti un solo, mais puis après ça, il a fait Gainsbourg Experience. Ouais. Est-ce que tu sais c'est quoi Gainsbourg Experience? Non. OK. Ben, c'est des amis de Brad. Ouais. Qui se sont rencontrés et travaillé sur un thème Gainsbourg, mais revisité. Ouais. Gifle-moi, j'aime. D'accord, et après ça, je t'aime. Trêve, banalité. Prends-moi, rêve. Déjà fait 100 fois. Moi, rêve, d'accord, mais pas sans toi. Reviens, va-t'en, ah ça y est, on se comprend. Quitte-moi, mon amour. Moins tu m'aimes, plus je te cours. Quitte-moi, pour toujours. Si tu m'aimes, et j'ai un cours. C'est la loi des amours passionnels. C'est la loi. C'est quoi ça, les amours passionnels? Reviens enfin. Pourquoi faire ou ça? Dans nos bras de fer. Car si t'étais malin, tu pigeras, chute. Signe de c'est que ça. Après la lutte, peut-être on se réveillera. Tous les deux, ouais. Non, pas tant que ça. Quitte-moi, mon amour. Moins tu m'aimes, plus je te cours. Quitte-moi, pour toujours. Si tu m'aimes, et j'ai un cours. C'est la loi des amours passionnels. C'est la loi, c'est quoi ça, les amours passionnels? Maintenant, maintenant, comme des bêtes, comme des bêtes. Maintenant, maintenant, viens, on s'en mêle. Maintenant, maintenant, fais-moi maintenant, rougir, pâlir, rugir de plaisir. Fini ton tour, ma neige est par toi. Mais mon amour, et après où on va? Ah si tu pouvais taire une bonne fois. C'est ton rêve contre le mien, mais viens là. C'est maintenant dans mes bras, si tu l'oses, montre-toi. Allez, viens. C'est la loi des amours passionnels. C'est la loi, c'est quoi ça, les amours passionnels? C'est la loi des amours passionnels. C'est la loi, c'est quoi ça, les amours passionnels? Unis comme une chaîne, nos deux âmes chiennes. Vite avant qu'on s'endort, bien chéri, on s'adore. J'ai pas dit non, oui, j'ai fait l'amour avec un toi con. J'ai fait l'amour sans un frisson. Incontestable. J'ai fait l'amour avec un con. Incontable. Pourquoi j'ai pas discuté? C'est ça qu'on fait. Non, c'est pas un conte de fées. Pourquoi j'ai bu tous ces verres? Le contact n'était pas bon. Pourquoi j'ai pas mis mes verres? Le contact c'est trop con. Lui raconte en addition. Et puis les moutons. Le temps de me dire à quoi bon. Et mon compte était bon. Pourquoi j'ai pas poussé? Cet inconnu, comment tu t'appelles déjà? Je sais plus, je sais pas. Comment tu t'appelles déjà? Je sais plus, je sais pas. J'étais bourrée inconséquente, j'étais condamnée inconsciente. J'ai fait l'amour à contre-cœur. Il m'a même pas embrassé. J'ai fait l'amour en regardant l'heure. Je suis con. S'en sortir, oui, mon Dieu, faites qu'il se tire. J'ai fait l'amour avec un. Parfois on se sent si seul, mais dans le fond, tout le monde est seul. C'est pas con. Comment tu t'appelles déjà? Si j'étais plus concentrée, tout serait moins compliqué. Comment tu t'appelles déjà? J'ai plus, j'ai pas. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Surtout me rappelle pas, me rappelle pas. Genre jazz comme des cantines. Ah non, et non, plus ouais, expérimental. Très expérimental. Et ça donne quelque chose de super intéressant. Il y a Gueule de bois qui est là-dedans. Ouais. Est-ce que tu connais Gueule de bois? Je vois pas laquelle c'est. Gueule de bois. Je vois pas ce que c'est. Okay, une chanson de Gainsbourg? Non, pas du tout, c'est un chanteur. Ah oui, parce que je comprenais pas. Et qui jouait de la guitare, et qui joue de la guitare, qui était dans mon mini-concert mardi. Ah oui. Donc, il me dit, ah ouais, très bien. Les gens du milieu te connaissent et t'aiment, puis même des gens dans la littérature, dans d'autres sphères. Ben, je vais aller voir, en tout cas, tu vois ce que fait Franck Mars, parce que moi, je le connais pas, donc je vais voir ce qu'il fait. Franck, comme Franck Kafka. Ouais. Et Mas comme M.A.S. C'est Mas? Oui, M.A.S. Je regarde ce qu'il fait. Ou je pourrais t'envoyer le lien, ça va prendre 15 secondes. Ouais. Ok, je t'enverrai le lien. Et en fait, lui, ce qui le fascinait, c'est l'énergie que tu avais. Et c'est un gars aussi extrêmement énergique. Donc, moi, je me dis souvent que les artistes ou les créateurs ne sont pas conscients de ce qu'ils peuvent projeter, ce qu'ils peuvent représenter aux yeux des autres. Non, mais tu sais, alors moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est les rencontres, mais après. Ben, écoute, c'est bien que tu m'aies parlé de lui, je vais regarder, peut-être qu'on aura des choses à se dire. Mais moi, ce qu'on pense, on n'a pas envie de se regarder trop, tu comprends, parce que... Non, mais c'est pas des chanteurs vis-à-vis des chanteurs, des fois, c'est un homme de théâtre assez profond, assez à la recherche de la création, à la recherche des mots. Là, il est en train de déstructurer des pièces narratives. Il est un anti-moliériste, il veut rien savoir de Molière. Pourtant, il avait de l'humour, qu'on peut le dire. Oui, mais en fait, il n'a rien pour... non, il m'a dit qu'il a rien contre Molière, mais il en a contre les gens qui remontent Molière parce qu'ils n'amènent rien de nouveau. Oui, peut-être. C'est monté pour peut-être, monter. Oui, okay? Peut-être. Ouais. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, ça serait plus intéressant de faire des trucs avec les caractères de maintenant, peut-être. Oui, mais juste en cheminement, 15 secondes, parce que ça vaut la peine. Ce qu'il a fait, il a pris une pièce de Molière, c'est l'avare de Molière, et il a mis les premiers mots ensemble, dans les A, B, disons comme s'il y a A, accent grave, collé ensemble, s'il y a aller plusieurs fois. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui. Et il a fait une performance, il a lu l'avare de Molière dans ces codes-là. Comme ça, ouais. Vois-tu, le gars, il est pas mal, là. J'ai dit ça, là, c'est totalement schizophrénique. Ah bah ouais, je me demande ce que ça donne. Est-ce que ça t'a intéressé, du coup, le... Ça a duré six... quoi, la rencontre? Ouais. C'est un gars... Non. Ce que t'as entendu, le texte. Super intéressant. Ben, en fait, il l'a pas fait au complet, mais il a fait les 100 A de l'avare de Molière. Il en a fait 100. avec les A, il les compte en même temps, il les dit. C'est totalement fou. C'est... Puis là, j'ai dit, c'est schizophrénique ton truc. Il m'a dit, c'est ça, il faut déstructurer l'art pour le remodeler autrement. Et c'est pas fou, hein? Ouais. C'est très conceptuel, mais oui. Mais ouais. Ben, hein? Ben écoute, je vais regarder parce que j'arrive pas à me rendre compte de ce que ça peut donner. Ben, ça, ben je pense pas que ça que tout ça soit visible sur Internet. Ah oui, oui. Mais il y a un autre truc là, qui travaille, c'est encore sur... c'est sur la Bible. Il a le Premier Testament, il a tout rassemblé les mots comme avec... Il les a écrits sur des petites feuilles. Qui va placer, là, il les a mis qui va dans le micro-ondes, là, des tupperwares. Ouais. OK, puis après ça, il va mettre ça dans un grand sac, il va prendre un lieu, il va trouver un lieu à deux étages, il va mettre tout ça dans un sac, et il va tirer ça sur le public qui sera en bas, et les gens feront ce qu'ils veulent avec, OK? Ouais. Et si ils s'en vont, s'ils quittent avec des mots, OK? Exemple, le mot amour. S'il y a 3000 amours, puis il y en a un qui part avec amour ou il en perd à travers ça, il va tout ramasser ça. Il va faire une autre performance et là, dans une autre salle, un autre lieu, avec la suite de la Bible, il va tout faire tomber ça pour que la suite ait lieu. C'est totalement barjo. Ouais, c'est barjo. J'adore ça. Aimes-tu ça comme principe? Ouais, ouais. Tu sais, quelqu'un qui réfléchit à l'art comme ça, moi, je trouve ça super enrichissant. Ouais. Il y a les dadaïstes qui faisaient des essais aussi un peu. Oui. Mais tu y parles, il est envoûtant, il est énergique, il est. Tu sais, c'est pas un intellectuel qui est rongé, il part en vrai, il est côté. C'est un gars enivrant. Mais s'il peut refaire. Mais c'est vrai, mais s'il peut réinterroger l'art dramatique, c'est tellement vieillot, c'est tellement endormi, ça bouge plus, on fait plus grand-chose de très vivant. Le spectacle vivant est de plus en plus mort. Ouais. Donc, moi, je vais pas trop au théâtre. Je devrais y aller, hein, d'ailleurs, peut-être. Je suis allée voir une pièce, je ne sais même plus ce que c'est, mais ça m'a donné envie d'y retourner. C'est une amie qui joue dedans? J'y vais jamais, non. Je ne sais plus ce que c'était. Non, ben, mais il y a combien de temps? Mais il y a un an. Ah, ça y est, je me rappelle très bien. Ah oui, j'ai vu 4 pièces nulles. Voilà, j'ai trouvé que tout était nul au Festival d'Avignon. Ah! Mais je me suis dit, il devait bien y avoir des trucs bien, donc il faut que j'y retourne. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Voilà. Non, mais ça portait bien son nom. J'ai vu un truc par un... C'est un auteur qui a été très... qui a une grande reconnaissance à un moment, homosexuel, et qui parle de sa famille et de sa position d'artiste incompris dans sa famille. J'ai vu ça. Alors avant, La Garce. Tu connais La Garce? Non. Putain, moi j'ai trouvé ça nul. Mais alors, paraît-il qu'avant, c'est lui qui jouait son rôle. Mais là, je trouvais que les comédiens étaient nuls. Enfin, faut pas le dire, bon, enfin, disons que j'avais l'impression de voir un sitcom. Ok. Sitcom, ouais. Tu vois. Ouais. Je trouvais ça prise de tête. Tu vois, un peu, genre des... Donc, le mec, il revient dans sa famille et puis c'est des problèmes. Tu vois, ils ont tous des problèmes psychologiques. Okay. Ils l'accueillent, mais personne ne s'aime. Mais c'était juste chiant. Enfin, tu vois, très psychologisant, hystérique. Et c'était un public très mondain qui était assez. Ah oui, c'est pièce, ça, exactement, les élitistes. Et ils trouvaient ça tous super. Mais voilà, mais c'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. C'est son ancien fiancé au mec qui est mort qui jouait dedans. C'est sacraliser l'art théâtral. Ouais, ouais. Et si vous ne comprenez pas, vous êtes que de la merde. Ouais, ouais. Vous n'avez pas les instruments pour saisir le raffinement du texte. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ah oui. C'était pas raffiné. Moi, j'avais l'impression que ça faisait comme un sitcom. Hein. Tu vois, roman de gare. Hein. Genre chiant, vraiment. Puis qu'est-ce qui s'est passé? T'es-tu resté jusqu'à la fin? Bah oui, je suis allée avec quelqu'un qui m'a accompagnée et qui a trouvé ça... Et qui t'a attaché au siège? Qui a trouvé ça bien. Ah, qui a trouvé ça bien? Ah, oh, ok, mais... Ah, oh, il a trouvé ça bien. Oui, il fait lui-même du théâtre. Ah, d'accord. Mais il doit y avoir des choses, forcément. Moi, je pense qu'il y a des trucs. Il y a toujours des choses, tu vois. Mais moi, j'aime bien les gens qui réfléchissent sur leur art et qui en sortent quelque chose de nouveau. Franck en est un. Bah oui, oui. Il est, on ne sait pas où on le prend au tournant. Quand je le rencontre à chaque année, dans quoi il s'est embarqué. Il a joué dans une pièce où il dansait, il était nu. Mais il dit, bon, mais moi, je n'ai pas de beau corps, je suis prof souillé, j'ai bientôt 45 ans. Puis, il dit, mais j'ai quand même accepté, c'est un ami. Et il dit, j'ai réappris à danser depuis que quelqu'un m'a dit, en revenant de scène, « Ah, tu danses comme de la merde. Ah, » ouais. Il dit, « Qui es-tu pour me juger? » Puis là, ben, il s'est arrêté pendant 2 ans, mais là, son ami lui a demandé, « Veux-tu jouer dans la pièce? » Okay. Mais là, il dit, il y a juste un petit détail, « Oui, tu vas jouer à poil, pas de problème. » Alors, c'est se réapproprier son corps quand tu n'as pas un corps classique. Tu sais, personne à poil. Ça n'a rien à voir avec, l'érotisme que l'on te fait voir dans les revues ou dans Il y a une série qui est sortie là sur des gens, ils sont tous nus. C'est pour parler du monde de la transparence. Oui, je n'ai pas vu le truc. C'est sur, moi, je l'ai vu sur Art TV. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait? Super intéressant. Ouais. C'était sur plusieurs thèmes, c'est ça? C'est dans un monde futuriste qui est fliqué, tu vois. Et il faut que tout le monde montre qui il est. C'est le monde de la transparence, tu vois. Ok, moi c'est un documentaire. Moi c'est un documentaire sur la nudité. Ouais. C'est ça toi? Non. Ok, moi oui. Donc les gens étaient nus et il y avait des gens qui se faisaient prendre en peinture, des modèles qui étaient nus. Pourquoi vous montrez nu, comment vous acceptez votre corps? Et la majorité qui se présente pour des peintures n'accepte pas du tout leur corps. Ah, de quoi? Accepte? Accepte pas du tout leur corps parce qu'ils trouvent trop. Oui. Mais en même temps, moi, si j'accepte pas mon corps, je le montrerai pas. Mais eux et elles le font. Moi, je l'aurais pas fait. Ouais, peut-être parce que tu es sans doute un peu puritain. Non, je ne suis pas puritaine, mais il n'y a aucune raison que je me fasse filmer à poil. Dans un film, non? J'ai pas envie. Si je suis payée, qu'il y a un rôle à jouer, s'il y a un rôle intéressant à jouer, si moi j'y trouve du sens, sinon je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu l'as déjà fait? Non. De toute façon, on m'en parlait tellement de haut, je vais tourner plus les films. Mais en même temps, on n'est pas obligé non plus. Non, on n'est absolument pas obligé. C'est, ouais. C'est comme on n'est pas obligé de sauter d'un hélicoptère ou non. Quand on a le vertige. Alors, si on veut dépasser son vertige, on peut essayer, mais oui, on n'est pas obligé non plus. C'est un peu suicidaire. C'est une excuse moïste, une désolée, c'est triste. Qui dit toujours pardon, je m'excuse encore, c'est con, excuse-moi. Une excuse moïste qui veut pas déranger et vit en pointillé sa vie sur la pointe des pieds. Une excuse moïste, une chose pas, j'hésite, qui dit en rêve tu me tentes. Mais la vie est si méchante, excuse-moi. Une excuse moïste et aussi roman triste qui dit faut être réaliste, passe-moi l'arsenic, excuse-moi. Une excuse moïste qui va pas sur la piste. Regarde, désolé, quand tu l'invites danser. Une contemplatrice, légèrement infabulatrice, qui dit moi je voudrais, mais c'est triste. Je suis une nichambiste, excuse-moi. Excuse-moi. J'ose pas, j'hésite. J'ose pas, mais j'existe. Excuse-moi. Excuse-moi. Une excuse moïste, une vraie emmerdatrice, qui dit je sais, je suis chiante, vraiment très emmerdante, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour qu'on me foute la paix, pas trop mouillée. Écoute-moi. Une excuse-moïste qui dit les autres c'est des problèmes. Les autres c'est que des problèmes. Mais si tu veux, toi je t'aime. Si tu veux, toi je t'aime. Donc si tu me résistes, si tu me résistes, excuse-moi, mais j'insiste. Embrasse-moi. Excuse-moi. Embrasse-moi.

sur mon tabouret paumé. Ouais, prends-moi comme ton sac. Vas-y, viens, assieds-toi sur ma tête. Vas-y, bien, brûle-moi avec ta cigarette. Depuis 36 ans que je m'entraîne à traîner dans les boîtes, 36 chiennes que je te mate vite avant que je ne craque. Vas-y, viens, sur tes talons hauts de dame. Vas-y, bien, montre-moi comment t'es haut de gamme. Look at me, why don't you look me when I dance? With your arms, why don't you take me for a dance? Look at me, why don't you look me when I dance? With your arms, why don't you take me, take me, take me? Toi qui sais bouger ton corps, aide-moi l'homme presque mort. Salomé, toi qui ne mélange jamais le cul, la danse, viens me raconter. Vas-y, viens, c'est passé le bon temps. Vas-y, vois, je suis tout blanc. C'est passé le temps des cerises, le prince charmant, on n'a plus le temps. Vas-y, viens, ma jolie maman. Ah ben merci d'être passé à mon émission. Ah ouais. Ben merci beaucoup Rénal. Et c'est toujours un ravissement, c'est, t'es toujours disponible, t'es toujours prêt. Et t'es toujours prête à discuter, je trouve ça très, très sympathique. Ben t'es sympa. À la revoyure. À la revoyure. Merci. Tu vas aller voir qui maintenant? C'est terminé, tu es ma dernière. Ah oui, j'étais la dernière. Ben oui, t'es ma dernière. Et t'as vu beaucoup de gens alors? J'en ai vu 45. C'est beaucoup. Ah 8 jours. C'est énorme. Oui. Là, j'ai eu des problèmes avec ma carte SD, j'ai eu des problèmes avec ma vie familiale. Ma mère est décédée. Mais elle est. Donc, ouais, mais hier. Hier, ouais, ben, en fait, c'est cette nuit à l'heure française à 4h45. Ah ouais? Elle avait triple démence et l'Alzheimer. Je me rappelle, parce que c'est pour ça que tu as appelé ton émission comme ça, non? Non, elle était pas. L'errance trimbaldienne, c'est pas. Non, attends un petit peu. L'histoire, c'est que mon émission, c'est Errance rénaldienne. Rénaldienne, oui, oui, oui. Et moi, mon émission existe depuis 15 ans. La maladie de ma mère a commencé il y a 7 ans. Et il y a 6 ans, j'ai rentré Errance. Et c'est écrit, le premier site, c'est Alzheimer. Et après ça, c'est mon site. Et c'est ça que je t'ai dit, c'était assez bouleversant parce que 15 ans avant, je ne savais pas que ma mère allait souffrir d'Alzheimer. Ouais. Et elle, c'est pas juste l'Alzheimer, c'est Alzheimer et triple démence. Normalement, c'est soit que tu as l'Alzheimer, soit que tu as la démence, mais jamais, rarement les deux, et rarement les deux avec triple démence. Mais triple démence, c'est démence frontale, démence mixte et démence vasculaire. La vache, putain. Dévastateur. Ah ouais, mais elle a dû souffrir. Elle... Au début, quand tu sens que le tapis te glisse sous les pieds, c'est très dur pour la personne qui ne veut pas se l'avouer, mais qui le voit quand même, et en public, le cachait, mais seule dans son lit, je suis sûr qu'elle pleurait. Et ça dure 3-4 mois. Après, c'est la descente rapide aux enfers. Donc, mais quand tu parles de ça, l'Alzheimer, les gens disent bon, exemple, si ma mère est encore vivante, est-ce qu'elle te reconnaît encore? Comme si c'était important. Ça, là, écoute, on a tellement vécu de drames que ne plus se souvenir, ça fait. C'est vraiment pas si dramatique que ça. Oui, oui. Il y a tellement d'autres choses. Quand la première fois, je m'en suis rendu compte, elle m'a posé trois fois. C'est les trous noirs quand on est seul qui doit faire peur. Ah oui, oui, oui, sans doute. Mais c'est une maladie de dément. Puis en plus, là, on parle actuellement, les neurologues, j'ai des amis neurologues qui amènent, ça fait déjà 10 ans, le pré-Alzheimer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des gens qui ont 25-30 ans, qui ont l'Alzheimer. Ah ouais? 25-30 ans. C'est fou. Ouais. De plus en plus. Au début, là, il n'y a même pas 15 ans, c'était 1%. Maintenant, on est rendu à 14%. Et comment ils expliquent ça, les médecins? Ils font des recherches. Ils font des recherches. Mais c'est tellement une longue agonie, c'est épouvantable. Autant pour la personne qui... C'est un peu comme si quelqu'un a le cancer, tout le monde autour est bouleversé. C'est pas juste la personne qui vient, c'est tout le monde autour. Mais l'Alzheimer, c'est la pire des choses. Le cancer du souvenir, le cancer de la mémoire, il n'y a rien de pire que ça. Annie Girardot en souffrait. À la fin, elle jouait avec Claude Lelouch avec des écouteurs. Ouais. Ça paraissait pas du tout. Mais une comédienne qui meurt d'Alzheimer, c'est épouvantable. Bah ouais. J'ai un peintre... Il y en a eu d'autres, des comédiennes. Non, il y en a plein. Grande actrice américaine. Je pense que c'est celle qui faisait Gilda, non? Ouais, je crois qu'elle est morte. Je crois qu'elle a eu Alzheimer, je vais arrêter à voir. C'était précurseur, parce que c'était pas à l'époque... C'est pas des années 80? Peut-être un peu avant. C'était très, très précurseur. Ouais. C'est comme le sida, pris sida, avant le sida. Parce que tu veux dire que c'est une maladie nouvelle, Alzheimer? Pardon? C'est une maladie nouvelle, Alzheimer? Ben, avant ça, on appelait ça la folie. Ouais. Ça a eu plusieurs noms avant que M. Alzheimer trouve le terme d'Alzheimer. Ouais, ouais. Mais c'était peut-être un dérivé. En même temps, on mettait la démence avec l'Alzheimer. Ouais. Bon. Quelqu'un qui était souffrait de démence était peut-être Alzheimer, mais c'était pas encore découvert. Ouais. Tu sais, il y a des baleines. Oui, oui, je vois bien. Bon, voilà. Ouais, ouais. Mais et c'est totalement. C'est cinglé, ça va jusqu'à la dernière minute. Ben, au dernier moment, on appelle ça le glissement. C'est ce qui va te faire très passer. Et le glissement dure normalement entre 2 et 10 jours. Quand je suis parti pour venir ici, elle a arrêté de s'alimenter. C'est courant. On appelle ça le glissement. Après ça, ses reins ont arrêté de fonctionner pendant 36 heures. Puis elle est morte. Mais sinon, il y a un endroit où là-bas. Mais quelle souffrance pour en arriver. Bon, les gens trouvent des termes peut-être pour se consoler. Ah, elle souffre moins, elle souffre plus. Oui. Mais c'est tellement dénaturé comme maladie, comme toute maladie. Hein. C'est tellement dénaturé, l'Alzheimer. C'est une folie. C'est un gouffre. Bah ouais, ouais. C'est épouvantable. Mais tu dois avoir des proches qui souffrent d'Alzheimer? Non. Non? Mais on parle d'hérédité. De quoi? De l'hérédité. Ah ouais? Moi, je suis pas du tout... moi, les hôpitaux, c'est deux, OK? Pardon? Moi, et les hôpitaux, c'est deux. Ouais. Moi, je veux rien savoir des hôpitaux, à part si je vais voir quelqu'un, si je vais te voir parce que tu t'es fait mal à une jambe. Ouais. Bon, j'ai aucun problème. Mais moi, aller consulter pour une... Ouais. Bon, jamais. Peut-être que j'ai le cancer, je ne sais pas, puis je peux vivre 30 ans. Si je le sais, je vais peut-être mourir d'ici un an. Ouais. Hein? En me disant, oh, j'ai le cancer, je vais mourir. Peut-être, je ne sais pas, j'ai dit ça comme ça. Et donc, pourquoi je te disais ça, non, Alzheimer? Ah oui, c'est ça, c'est ma sœur, elle. Ma sœur, elle. Parce que j'ai juste une sœur. Parce que tu peux faire un test pour savoir si tu es celui qui risque d'avoir. Ouais. Elle l'a passé, puis c'est pas elle. Ouais. Donc, ça pourrait être moi. Parce qu'en plus, moi, je suis beaucoup plus près de ma mère que ma sœur l'est. Mais on n'est pas obligé. Ah non, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Mais 70%. 70%? Non, c'est pas obligé. Mais en même temps, moi, ça, je trouve ça difficile parce que j'ai toujours été à côté de la plaque. Comme Claude Nougaro. Et moi, ça m'a rassuré quand j'ai écouté Claude Nougaro. Sur France Inter, ils avaient fait des émissions autour d'un artiste. Et il disait, j'ai toujours été à côté de la plaque. Non, il dit, j'ai toujours été à côté de la plaque. Je dis, ah, ça, c'est mon frère. C'est marrant, moi, j'ai une chanson qui s'appelle La fille à côté. Et à côté, à côté. Et en fait, au début, j'en ai fait un truc. Celle que tu vois jamais, sous ton nez, c'est moi la fille à côté. C'est une fille qui voudrait qu'on la remarque et on la voit pas. Mais ça, j'avais 20 ans quand j'ai écrit ça. Mais maintenant, je me suis dit, je vais en faire une autre chanson. Et je voudrais faire ça, à côté de la plaque. À côté de la plaque, une fille qui est en marge, sur la marge. Oui. Un truc sur la marge. Mais moi, je suis habitué d'être toujours à côté de la plaque, tu sais, d'être le gars qui a oublié sa carte à l'intérieur. Bon, j'ai un scooter électrique. Combien de fois j'oublie les clés dans mon scooter? Ouais. Tu sais, je me dirais pas, oh, je commence à avoir l'Alzheimer. J'ai toujours été comme ça. Oui, oui. Mais là, à quel moment que je vais commencer à me douter, c'est quand je vais te dire, plusieurs fois dans une discussion la même phrase. Il peut dire, voyons donc, tu viens de le dire. Au début, tu penses que c'est humoristique. Ah, il veut faire son con, il veut... Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que la personne qui te l'a dit se souvient vraiment de rien. La première fois que je me suis rendu compte, c'était hallucinant. Elle a fait trois fois la même affaire. C'est comme si tu regardes un film et il y a plusieurs prises. Ouais. Même, okay? Alors, elle s'était assise devant moi, puis elle m'avait dit, je sais pas, ah, oh, je vais aller à la pharmacie, as-tu besoin de quelque chose? Parce que je prenais soin d'elle quand j'ai vu qu'elle commençait à être malade. J'ai perdu ma blonde à cause de ça. Parce que je peux comprendre aussi que bon, quand tu quittes une amoureuse pour aider ta mère, ben, c'est moins bien vu. Hein? Bon, ouais. Ben, chacun son truc. Et donc, elle s'était assise, et puis elle m'avait demandé si bon, je m'en vais à la pharmacie, as-tu besoin de quelque chose? Je dis non. Elle revient cinq minutes après, elle dit, hey, elle dit, je m'en vais à la pharmacie, as-tu besoin de quelque chose? Je dis non, non. Ouais. Elle veut faire sa rigolote parce qu'elle était assez humoristique. La troisième fois, elle dit, hey, elle dit, voilà. Tu sais quoi? Elle dit, tu t'en vas à la pharmacie. Elle dit, comment ça, tu le sais? Ah. Là, j'ai dit, ouais, OK. Et au début, c'est drôle. Hein? Oui, oui, je comprends. Mais après, c'est. Ben, je comprends bien. C'est, tu deviens. Hey, c'est, tu, pour toi, quand tu réentends, tu deviens fou. C'est une folie. Il ne faut pas que tu restes autant là-dedans parce que c'est complètement d'argot. C'est complètement ben ouais. Cinglé. Sac de dame ouvert en grand, cheveux coiffés n'importe comment. Pourquoi je m'enfuis, pourquoi je m'en fous? Je marche même pas dans les clous. Pourquoi je m'arrête? Le ciel est lourd, les yeux fixes regardant nulle part. Pourquoi je vais jamais nulle part? Pourquoi je m'arrête, pourquoi je m'inquiète? Le ciel est lourd, le ciel est lourd. J'ai pas mes lunettes noires dans un très beau fauteuil en cuir. Je serai pas là à m'évanouir. Pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai pas mes lunettes noires? Je serai pas là à m'enfuir. Mes lunettes noires, ma belle jaguar, et je serai peinard. Dans mon cinéma permanent, du grand, du vrai cinéma. Pourquoi je reste sur le trottoir? Je vois des bateaux mais je vais nulle part. Pourquoi, pourquoi? Pourquoi je rentre pas chez moi? Chez moi c'est tout petit et c'est froid. Alors avant d'allumer le gaz, j'allume la télé, mais ça me rase. Pourquoi je suis pas reine d'Angleterre sur mon beau bateau? Je garde jamais un boulot parce que je veux tout sur un plateau. Pourquoi, pourquoi? Parce que je suis la reine d'Angleterre qui attend son prince charmant. Parce que je suis la reine si je veux. Et si tu vois passer vraiment que t'as de la merde dans les yeux. De loterie, Là, je dis arrête de prendre des loteries, parce qu'elle prenait des billets de loterie. Puis là, elle me disait, est-ce que tu veux me valider mon billet? J'ai dit, maman, ça fait 20 fois que tu me le demandes, maman. J'ai dit, le tirage n'a pas encore eu lieu, c'est dans une semaine. À chaque fois, elle revenait avec ça. C'est complètement cinglé. Et tu t'es occupé beaucoup d'elle, toi? Oui, parce que je savais que le jour où elle sera hospitalisée, aller dans les hôpitaux, moi, c'est... Alors, je suis allé un peu moins, juste au début, j'allais plusieurs fois, après ça, j'ai tiré. Elle est devenue violente, j'ai tiré. Mais quand je l'ai tiré, j'allais au moins deux fois par semaine. Ouais. Avant, j'allais tous les jours. Ouais. Puis, la même phrase, hein, « Ah, tu viens pas me voir! » Je venais de la voir la veille, « Tu viens pas me voir! » J'ai dit, « OK, on va prendre un calendrier, je vais te signer mon nom. » Ah ouais. À chaque jour que je... Là, un jour, elle m'arrive, elle m'a dit, « Hey, t'es même pas... Tu viens plus, ça fait longtemps. Regarde, maman, j'ai signé là, c'est tous les jours que je suis venu. » Ouais. « Oh non, tu viens de le faire. » Voyons donc, je te l'ai montré, je te mets pas ça. Donc, c'est un combat épouvantable. C'est une folie. Je te dis, c'est du David Lynch. C'est du quoi? Du David Lynch. Ouais. Même David Lynch, là, c'est des films classiques. Là. C'est pas surréaliste. C'est très surréaliste. Ouais. Ça use. Ouais. Ça use énormément. Ça détruit. Vraiment. Là. Mais tu sais, on dit une libération. C'est certain qu'à un moment donné, tu vas arriver à ça. Mais tu sais, quand tu aimes quelqu'un, un proche, tu peux pas dire. Elle sera plus là, même si j'ai eu un beau texte là, d'un cancérologue qui m'a envoyé là, je suis encore là, je suis derrière toi, mais c'est pas parce que tu ne vois pas que je suis plus là. Tu peux continuer de parler, tu peux discuter encore de moi, avec moi. Je te répondrai sans doute pas, mais je suis encore là. C'est un très beau texte. Ouais. Et lui, je suis sûr que. Il est mort, lui. Ah non, j'ai rencontré à mon émission lundi. Et c'est un cancérologue exceptionnel qui a travaillé bénévolement pour les gens qui allaient mourir, mais aussi ceux qui restent après. Ouais. Du bénévolat, il en a fait mur à mur. C'est Planchon. Il s'appelle? Planchon. Puis lui, son exutoire, c'est qu'il écrit des romans. Qui n'a rien à voir avec... Mais c'est un grand bonhomme. Mais tellement grand qu'il est même grand à de taille. Ah, c'est ça, exactement. Et... c'est ça, mais moi, je me dis... C'est sûr que tu... Moi, je crois qu'on peut encore parler aux gens, enfin bon, mais après... Même quand ils sont plus là, ils sont dans la tête. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais ils sont... juste qu'ils sont encore... Si elle est dans ta tête, ta mère. C'est ça, c'est sûr. Tu peux encore parler à ta grand-mère, elle est là, ta grand-mère. C'est sûr qu'elle est morte. C'est ça. Elle est là, voilà. Ouais, c'est ça. Elle n'est plus là, mais elle est là. Je ne sais plus qui disait, c'est une phrase d'un écrivain qui dit « les morts, c'est nous ». Ouais, ça c'est vrai. C'est pas si mauvais. Ah, c'est vrai. Ben, on est fait de choses, de gens d'avant. Hein. Ouais. On est des zombies, souvent. Ouais. Ça dépend des heures, mais souvent, tu vois des gens passer. Plus d'âme, plus rien, plus de motivation. Plus de joie de vivre. Hein, c'est... Des hommes, comment tu dis? Zombies. Zombies. Ouais. Des morts vivants. Ah ouais. Plus rien. La flamme est indue. Ouais. Il y en a beaucoup. Ça que les artistes sont là, pour réveiller un peu la flamme. Pour prendre le briquet, pour l'allumer. Quand tu sors d'un spectacle, tu dis, ah, je me sens bien. Tu viens d'allumer sans savoir. C'est encore... Allumer le feu, comme disait le jeune. Je suis pas dingue, moi, mais... Non. C'était plus pour un stade, ça. Oui, c'est bon. C'est pour faire vendre des maillots de foot. Exactement, oui. Ah, oui. Ouais. Mais c'est ça. Moi, j'allais pas annuler mes rencontres, ma dernière journée de rencontre. Mais t'as eu raison. Ben oui, parce que ça sert à quoi d'être dans mon auberge de jeunesse, ouais. Parce que ça sert à rien. En plus, c'est une auberge de jeunesse comme les enfants. Comme un truc d'enfant, comme si, si t'avais rien fait là. Si tu serais resté là-bas, ça aurait pas été super. Ben en fait, c'est trop... Ben, tu sais, c'est quoi les auberges de jeunesse? Bah, c'est les jeunes qui voyagent, qui font des études ou... Ben, pas des études, mais qui font des voyages. Ouais, des voyages. Et moi, j'ai la chance d'avoir... Parce qu'il y a des auberges de jeunesse qui sont très, très frileux avec le règlement. Donc, il faut pas que tu aies plus que 25 ans. Ouais. Et moi, j'en ai 51. Ouais. Donc, puis celle-là, il y en a une auberge de jeunesse qui s'appelle Peace and Love, qui se trouve sur Jean Jaurès. Ouais. Okay? Et je suis allé une fois il y a 10 ans et j'ai pu réessayer parce que c'était 25 ans et moins. Ça a quand même passé parce qu'on nous demande notre année de naissance. J'ai bluffé. Ouais. Là, j'ai dit, s'ils me demandent mon passeport, ouais. Là, c'est là. Mais là, je vais là, ils ne demandent absolument rien. Il y a autant des enfants, des nouveaux-nés avec des parents, et des jeunes et des moins jeunes. Puis, ça dépend, la jeunesse est là. C'est oui, bah oui, oui. Voilà. Mais tu fais comme Suran, tu connais l'écrivain Suran? Non. C'était, je crois qu'il venait de Roumanie, c'était un mec hyper énervé, en colère contre la vie, mais très drôle aussi. C'était un ami de Ionesco. Ionesco, oui. C'était un pote de Ionesco. Alors, lui, il a fait des choses comme La tentation d'exister, c'est un des titres de ses livres. Alors, mais c'est drôle aussi, philosopher un peu, tu vois, c'est juste des bribes de textes, en fait, quoi, tu vois. Mais il y a quelque chose d'hystérique et de drôle aussi. Et il y a après tout, je me serais trémoussée comme tout à chacun dans cette vie. Et on peut. Qu'est-ce que c'est que cette merde que la vie? On tourne à droite. C'est emporté, on tourne à droite, par... on rencontre quelqu'un qui va te sauver ta journée. À gauche, et c'est le néant. Et c'est... Lui, il était. Mais il dit, mais on peut ne pas croire en tout ça. Et comme un imbécile à 70 ans, tomber fou amoureux. Et c'est ce qui lui est arrivé. Il est tombé amoureux sur le tard. Mais alors, je te parle de Suran parce que. Il a vécu, il ne voulait pas travailler. Alors en fait, il travaillait beaucoup parce qu'il a toujours écrit. Il a fui la Roumanie. C'était une torture pour lui d'apprendre le français, tu vois, de réapprendre tout. Bon. Mais il est allé jusqu'à ses 40 ans, un peu plus, manger à la cantine de l'université, tu vois, de la Sorbonne, à la cantine. Mais à 40 ans, 45, on lui a dit, mais monsieur, vous ne pouvez plus, vous avez passé l'âge. Voilà. Et là, il a dû commencer à travailler. Ben oui. Ben oui, mais c'est quand même bien d'avoir des gens comme ça qui réagissent face à la médiocrité intellectuelle. Bah la médiocrité ouais. Tu sais, il faut déjà transcender les lois sont là pour être transcendées. Bah ouais, ouais. Ben ça, c'est mon petit côté anarchiste en disant. Bah oui. Heureusement qu'il nous reste encore un petit côté anarchiste. Il faut brasser les idéaux. Ah, merci encore. À chaque fois, t'es généreuse, disponible et tu veux parler. Merci à c'est toi. Vraiment gentil. Je peux te prendre des photos de la fin? Oui, si tu veux, vas-y. Ah, comment ça fait chaud, trouves-tu? Un peu, ouais. Oui, hein? Carrément. Mais c'est bizarre que ça soit aussi chaud. C'est lourd. Oui, c'est lourd. Hein? Je crois. Ah, ouais. Ah, il y a eu 18 morts chez nous à cause de la chaleur. Ah oui? Ouais. Et c'est souvent des personnes âgées qui sont parce qu'ils ne sont pas arrivés pour. Ils sont déjà malades, hein, c'est pour ça. C'est pas la chaleur qui les tue, c'est qu'ils sont déjà malades. C'est pas important ce que tu dis. Je vais en prendre quelques-unes. Parle de Suran, on parle de la mort. Oui, oui, allons-y directement. Encore deux, ok? Ah, je veux plus. C'est bon signe. Quoi qu'il veut plus? Ah, carte pleine. Parfait, j'en ai une dizaine. Ok, bah super. Merci. Hey, à la voyeuse. Merci beaucoup, madame. Merci, hein, puis... Et... Bonne merde. Je te dis merde, tu sais ce que ça veut dire? Oui, oui. Moi, c'est comme mon théâtre. Bonne chance. Moment de chance, exactement. Comme mon théâtre, ton souhait de merde. Ouais. Et est-ce que tu connais le vin de merde? Non. Non? Si, je connais. Ok. Le vin de prise, un peu. Il a 10 ans aujourd'hui. Hein? Le vin de merde a 10 ans aujourd'hui. Oui, Michou le fête actuellement, puis le petit Montmartre là-bas. Ah ouais. Puis, c'est comme un vin de crise. Non, moi, je pense que c'est vin de crise. Vin de merde. Le vin de merde, c'est un vin. C'est un vin pour les philosophes ratés. C'est indiqué sur la. Ah oui, c'est bon. Le vin de merde, c'est hallucinant. Ça a 10 ans aujourd'hui, donc c'est pas submersif. Hein. Ouais. Salut, mon ami. Tout le monde s'éclate, tout le monde se mate, tout le monde se marre bien. Tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde, à part moi. Tout le monde chante, tout le monde s'enchante. Se marre bien. Tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde, à part toi. Je crois pas qu'il m'aime si j'y vais quand même.